Lorsque je veux dépasser, je suis tenu de signaler mon intention aux autres usagers. Je ferai fonctionner le clignotant pendant toute la durée de la manœuvre et toutes les fois où je circule dans la voie de gauche. En effet, ce signal permet au conducteur situé devant ou derrière de comprendre mon intention et ma manœuvre. Réponse A.